Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro et toujours accompagnée de ma fidèle acolyte Gentiane La France. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam. Donc, ce soir à l'émission, on a on a deux segments principaux. Donc, j'ai fait une entrevue avec Marie-Claude Drolet pour parler de qui sa change de siège. Je prends la place de l'interroger plutôt que de faire une entrevue elle-même. Exactement. C'est son habitude de nous fournir de magnifiques entrevues lors de ses chroniques. Mais là, cette fois, comme tu dis, les rôles sont inversés. Donc, on va parler de sa résidence de 2 semaines qui s'est terminée le 29 janvier dernier à Engrammes, donc qui s'intitule « La lumière de nos interactions ». C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé faire cette entrevue-là. Et puis, il y a Cassandra Graham qui fait un retour, mais en fait, on est en plein milieu de ce projet-là qui est diffusé par la bande vidéo « Sujet à risque » avec des publications de courtes vidéos qui ont été réalisées par des artistes de la vidéo au Québec, donc à chaque jour ouvrable de la semaine. Donc, on va pouvoir en découvrir un peu plus avec notre chroniqueuse Cassandra Graham en deuxième partie d'émission. Et Simon Roy, ce soir, nous propose de découvrir Daisuke Tanabe, donc qui est un producteur de musique du Japon. Et c'est un ancien étudiant en art, donc ça vient un peu rejoindre certaines de nos intérêts. Et il a habité et travaillé à Londres pendant plusieurs années, et puis il est de retour à Tokyo. Donc il a développé son style propre avec un son entre le hip-hop, l'électronica, le folk, le jazz, et c'est des extraits de son album « Cat Step » qu'on entend ce soir, donc un album qui est sorti en juillet 2018. Et on va commencer par un extrait de la pièce « Your Tube ». Thank you. Vous êtes de retour à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et en ma compagnie via Zoom, Marie-Claude Drolet. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Donc Marie-Claude, ben, tu es une habituée de l'émission puisque tu as collaboré jusqu'à maintenant en tant que chroniqueuse avec toujours des superbes entrevues avec d'autres artistes. Puis là, on avait envie d'inverser un petit peu ton rôle habituel pour te recevoir en tant qu'invitée. Parce que tu as fait une résidence qui s'est terminée il y a quelques jours chez Engram. On avait envie de parler de ça avec toi, puisqu'on n'a pas souvent parlé de ta propre pratique à l'émission. Donc, c'est une résidence qui s'intitule, ben, tu travailles sur un projet qui s'intitule La lumière de nos interactions. Je te lance tout de suite. C'est quoi ce projet-là? Qu'est-ce que tu as accompli pendant ta résidence? Parce que là, elle est terminée. C'est principalement un projet de gravure sur bois. Donc, durant les 2 semaines de résidence, je me suis concentrée à faire vraiment de l'impression en utilisant les outils spécialisés chez Engram, donc la presse. Pour faire les impressions. Je me suis concentrée aussi parce que j'évolue en gravure là, de façon autodidacte depuis quelques années. Donc, je me suis toujours débrouillée dans mon propre atelier avec des moyens d'impression très simples, juste de transférer les images soit à la cuillère ou simplement à la main, ce qui me créait quand même des effets visuels qui m'intéressaient. Mais donc avoir accès à ces outils-là chez Engram, donc ça l'a vraiment poussé plus loin là, ma technique en gravure. Puis ça m'a donné aussi donc un visuel quand même assez différent sur le résultat de mes gravures. OK. C'est ça que je me demandais justement parce que je me rappelle, je crois que c'était l'année dernière, il y avait ton projet dans la vitrine de regard, la Regarde. petite vitrine, oui, c'est ça, nous ne contrôlons pas le soleil, puis Oui. ça ressemblait un peu à ton autre projet avant, entre deux points, ben, esthétiquement, je veux dire, là, c'était deux projets Oui. différents. Puis je me demandais justement si tu continuais dans cette lignée-là ou t'allais vers autre chose. Et comme tu nous dis, là, c'est un peu, c'est différent, là, de ce que tu as l'habitude de faire. Oui, c'est quand même assez différent pour le projet Entre deux points, par exemple. C'est des gravures que j'ai faites, que j'ai imprimées sur un tour de potier en action. Donc, pendant que le tour tournait, avec des points de pression. Donc, je venais faire des petits points de pression sur le papier. Donc, il y avait la matrice en dessous et ça transférait l'image avec des cercles concentriques. Puis, il y avait une intervention de crayon de couleur en dessous. Donc, c'est vraiment une expérience visuelle. Ensuite, pour le projet donc chez Regard au printemps dernier, c'était des très, très grandes gravures que j'avais réalisées toujours avec la même matrice, mais très, très, très rapidement sur le papier. Donc, j'avais multiplié cette matrice-là sur le papier, mais vraiment rapidement, sans nécessairement ajouter de l'encre à chaque fois. Donc, il y a un effet fantôme, il y a des manques. Mais là, chez Engram, durant mes 2 semaines de résidence, j'en ai vraiment profité pour aller chercher donc un visuel différent avec des couleurs plus en aplat, puis les formes complètes là, sur le papier. OK. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai très hâte. Ce qui m'intéressait beaucoup dans ton projet de résidence, ben, non seulement l'utilisation d'outils très différents, mais le titre aussi m'a un peu intriguée. Donc, la lumière de nos interactions, je me demandais ces interactions-là, puis nos interactions, le nous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nous communautaire? Est-ce que c'est plutôt abstrait? D'où est-ce que ce titre-là est sorti, en fait? Le titre est directement relié au sujet principal de mon projet, qui est en fait l'idée de partir de textes poétiques que j'ai écrits depuis 2 ans. Donc, c'est des textes poétiques qui parlent de relations d'amitié, de nouvelles rencontres, puis de rencontres aussi avec un nouveau territoire. une nouvelle culture, puis mon expérience aussi dans le milieu naturel. Donc, la lumière de nos interactions, c'est de mettre en lumière toutes ces interactions-là à l'intérieur du projet. Donc, toutes les interactions qui t'entourent, comme tu dis, autant que ce soit avec de nouveaux êtres humains, des êtres humains qui sont déjà dans ta vie, ou même des êtres non humains, donc ton environnement en général. Oui, mais dans un contexte spécifique qui parle vraiment de relations d'amitié que j'ai, qui sont longues ou récentes. Mm-hmm. Puis, comment nos expériences en milieu naturel, par exemple, ensemble peuvent évoluer. OK. Puis, c'est tu parles de projets, justement, d'extraits de courts textes poétiques que tu as écrits. Tu as une pratique littéraire qui est, j'ose pas dire en parallèle, parce que c'est vraiment, ça s'entrecoupe avec ta pratique en art visuel. Tu travailles sur un autre projet littéraire, donc sur un petit livre qui est pas nécessairement... lié à ce que tu as fait chez Engramme. Donc, ce sont vraiment deux projets distincts. Par contre, clairement, tes deux pratiques s'inter-influencent. Puis, je me demandais justement comment ces pratiques-là s'influencent entre elles. Donc, qu'est-ce que tu vois qui revient autant dans la pratique littéraire que la pratique d'art visuel? Bien, il faut savoir que ma pratique littéraire est vraiment très, très jeune, là. Donc, je commence à intégrer des phrases poétiques que j'ai écrites dans mes projets en art visuel. C'est vraiment récent, là. Je le fais depuis, j'ose le faire d'à peu près depuis un an. J'ai eu l'occasion en 2020 de participer au mois de la poésie. Donc, j'ai eu un texte sélectionné pour le volet « Poème affiche ». Puis, j'avoue que ça m'a un peu... ça a emboîté le pas là, à intégrer certaines phrases dans mes projets en art visuel. Peut-être que le sentiment d'imposteur était un peu moins présent. Ça ajoute une petite... Une petite encore qu'il est présent, mais bon, oui, ben... je m'assume qu'il arrivera ce qui arrivera. Mais donc, ça m'intéresse, oui, vraiment de voir comment ce que j'écris dans un certain contexte, puis avec des sujets précis, peuvent influencer une pratique visuelle. Donc, par certains mots, par certains rythmes. Souvent, j'intègre aussi des mouvements d'éléments dans mes phrases, de descriptions de mouvements, où il y a tout un répertoire aussi qui est plus axé sur le visuel, justement, ou des termes qui sont spécifiques à la sculpture que j'intègre parfois aussi dans mes textes. Donc, ça, je pense qu'il y a une belle correspondance. Puis après, dans le cadre de la résidence chez Engramme, c'était vraiment de créer cette expérience-là. Si je prends ces textes-là, je suis chez Engramme avec mes nouvelles matrices, la presse, d'autres éléments visuels. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, comment ça va se développer là, dans un temps précis? On se laisse pour une courte pause audio avec la piste 4 steps et au retour, on continue l'entrevue avec Marie-Claude Drolet. Je crois que ma pratique littéraire est beaucoup trop jeune pour savoir quelle est sa propre structure. Mm-hmm. Par contre, en art visuel, j'ai quand même une façon de procéder là, qui s'installe depuis quelques années. Donc, à la fois la collecte d'éléments visuels dans un lieu précis là, par la photographie, le cyanotype, bon, d'autres par le croquis, tout ça. Puis ensuite, revenir à l'atelier, mélanger ces éléments-là, en construire des nouvelles compositions, puis les traduire dans différentes techniques. Donc, il y a aussi un effritement de la collecte au départ. Après, au niveau littéraire, je ne pourrais pas me prononcer, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est ce processus-là, justement, de collecte, d'analyse, si on peut dire, puis ensuite d'intégrer ça dans ta pratique d'art visuel, est-ce que c'est un processus que tu reprends au niveau littéraire? Justement, prends-tu le temps de... Peut-être on pourrait faire le parallèle en disant tu collectes un peu tes pensées sur papier, puis ensuite tu ramasses un peu tout ça et tu crées un texte, ou c'est vraiment un autre processus que tu utilises? C'est vrai qu'il y a des... finalement, j'ai quelques petites minutes. en fait, par rapport à ce projet-là spécifique, là, donc, les textes que j'écris depuis 2 ans. J'avoue que la façon que j'ai procédé, c'est que je suis allée... donc, j'ai fait une certaine récolte parce que on y retrouve des discussions ou des phrases que j'ai collectées à travers des discussions que j'ai eues avec des gens qui sont proches. Mm-hmm. Donc, avec qui j'ai des discussions de façon quotidienne. Puis, il y a certaines phrases que je trouvais vraiment fortes, puis qui rejoignaient certains sujets que je traite. Donc, en art visuel, donc oui, j'ai fait cette collecte-là. Puis ensuite, il y a des textes qui se construisent à partir de ces éléments-là. OK. Fait que finalement, il y a quand même une similitude de processus entre ta pratique d'art visuel et d'art littéraire. Ce que tu viens juste de dire, est-ce que c'était par rapport au projet de petit livre ou par rapport au projet justement de résidence en Engramme? Résidence, oui. Résidence, c'est ça, parce que justement, je me disais, mon Dieu, c'est clairement une influence pour toi, tout ce qui t'entoure, tes relations qui t'entourent aussi, parce que les deux petites phrases que tu as sorties justement pour un peu comme élément déclencheur, disons, de ta création lors de ta résidence, ce sont des petites phrases que tu avais récoltées, on va utiliser ce mot-là maintenant qu'on l'a mis sur ta pratique littéraire, donc oui. Que tu avais récoltées lors de ta résidence en Nouvelle-Écosse en 2018. Et ensuite, dans les conversations qui s'en sont suivies, là, dans les deux dernières années. Là. OK. Puis, oui. Justement, ces deux petites phrases-là, parlons-en, on ne peut pas passer à côté. Ces deux phrases, donc la première, c'est « À ma trop longue question mal formulée, tu m'as répondu, viens ici et construis un bateau. » Cette première phrase-là, de ce que j'en ai compris, c'est une conversation que tu as réellement eue avec quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui te dit « Viens ici, on va construire un bateau. » Qu'est-ce qui a... je ne sais pas si tu vas être capable de répondre à cette question-là, mais qu'est-ce qui a motivé ton choix? Parce que j'imagine, dans une résidence, en faisant des nouvelles rencontres, en entretenant des relations que tu as dû en ramasser beaucoup de ces petites phrases-là. Donc, qu'est-ce qui a motivé son choix pour ces deux phrases-là spécifiques? Pourquoi est-on accroché au texte? Mais je trouvais qu'au niveau visuel, c'était vraiment fort. Donc, à ma trop longue question mal formulée, il y a un élément un peu flou au départ. Puis, dans la réponse qui est super brève, mais qui est très directe, il y a plutôt l'idée de la construction qu'on peut imaginer se déployer sur un long moment. Donc, je trouvais que il y avait une question d'équilibre là-dedans que je trouvais super intéressant. Puis, donc, justement, là, cette construction, puis on peut s'imaginer... ce que ça peut donner, en fait, là, visuellement au niveau de la charpenterie navale, par exemple. Mais je ne voulais pas nécessairement utiliser tant que ça l'image du bateau, là. C'était vraiment plus l'assemblage ou la structure qui m'intéressait. OK. C'était surtout ce genre de dualité-là entre le flou de ta question puis la précision de la réponse qui t'a inspiré à la choisir, là. Oui, puis c'est une invitation, là. Donc, c'est une invitation dans un lieu. Donc, il y a comme un monde de possibles aussi qui s'ouvre là-dedans, là. Puis la deuxième phrase, elle est un peu plus courte, mais ouvre à un tout autre monde de possibilités. Donc, ceci débute par un plan précis. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait penser justement à une résidence artistique. Donc, on commence toujours avec une idée en tête, une direction à prendre sans que ce soit un plan précis. Est-ce que c'est un peu ça qui a motivé ton choix justement pour cette phrase-là? Ou peut-être autre chose? Bien, en fait, cette phrase-là est un peu plus... Bien, en tout cas, c'est un peu plus long, l'élément que j'avais sélectionné. Donc, je peux peut-être vous le lire au complet. C'est la partie que j'avais sélectionnée au complet, c'est « Ceci débute par un plan précis, puis des éléments se croisent, se densifient et s'éloignent. Il y aura dispersion pour mieux se définir ensuite. » Ah, oh, c'est magnifique. Il y aura dispersion pour mieux se définir ensuite. Donc, les deux phrases ont quand même ce même esprit-là de précision, flou, les choses qui se précisent avec la construction, justement. Puis c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé dans ta résidence, ce genre de flou-là qui se précise avec la construction? Dans les résidences artistiques, il y a souvent du flou qui s'installe. Oui. c'est une des qualités des résidences, je crois. Oui, il y a un certain moment, j'ai créé deux matrices différentes dans le cadre de cette résidence-là, donc des matrices en bois là, qui me servent pour imprimer. Mm-hmm. Donc, la première, je trouvais que visuellement, c'était vraiment très satisfaisant. J'étais heureuse du résultat sur papier. La deuxième, j'ai écrit à une amie pour lui dire que j'avais vraiment l'impression de me perdre là, avec cette deuxième matrice-là. En même temps, est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, parce que je suis très heureuse de l'avoir faite quand même. Puis finalement, j'ai trouvé comment pouvoir l'exploiter. Mais tu sais, il y a un certain moment où, bon, c'est de la recherche, hein, puis tu sais, il y a des journées où ça va mieux que d'autres, puis... Ben voilà, ouais, il y a toujours un peu de flou dans les résidences, mais c'est ce qui est intéressant, je pense. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a un résultat surprenant aussi à la fin, puis ce qui fait que c'est spécifique au projet, là. Oui, c'est ça. Ben, puis c'est un flou qui permet l'exploration aussi, c'est ce qui est intéressant dans les résidences artistiques. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude Drolet, d'avoir été avec nous. On est toujours heureux de te recevoir à l'émission. Donc, nous, on se laisse pour une pause publicitaire et au retour de la pause, c'est la chronique de Cassandra Graham. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et accompagnée de Cassandra Graham pour sa chronique de la semaine. Bonsoir Cassandra. Bonsoir. Donc, Cassandra, ce soir, tu avais envie de nous parler du projet Sujet à risque qui a été mis sur pied par la bande vidéo. Puis, pour nos auditeurs qui ne savent pas du tout ce que c'est, qu'est-ce que c'est Sujet à risque? Sujet à risque, c'est une initiative de la bande vidéo, comme tu as pu le mentionner, qui a été réfléchie un peu comme en réaction à la pandémie. Comme on le sait très bien, les centres d'artistes souffrent beaucoup justement de la pandémie et tout ça. Puis justement, on peut plus aller dans les galeries, dans les centres pour visiter des expositions. Alors, eux ont décidé de mettre sur pied un projet qui se faisait entièrement en ligne. Qu'on pourrait comme justement visiter à partir de la maison. Le sujet finalement du projet Sujet à risque, c'est un peu ça aussi, les réalités, les nouvelles réalités de la pandémie. Les artistes n'étaient pas nécessairement obligés de soumettre des vidéos qui étaient très explicites vis-à-vis du sujet, mais ça a quand même amené des propositions d'ailleurs très large là sur un peu comme l'interprétation de la nouvelle réalité. Fait Donc, on a à peu c'est dans le fond, près c'est parce que tu parles de projets soumis, de vidéos, donc on s'en doute, la bande vidéo, c'est vraiment un projet de diffusion d'œuvres vidéo, c'est Oui, ça? exactement. C'est vraiment un projet de diffusion qui fait partie de la programmation régulière du centre. C'est un projet, l'appel a eu lieu, je crois, si je me souviens bien, à l'automne passé. Cet automne. En tout cas, toutes les vidéos qui ont été postées jusqu'à présent, qui ont été publiées, excusez-moi, jusqu'à présent, sont des vidéos qui ont été faites en 2020. Tu sais, c'est vraiment de la nouvelle production. Souvent, c'est des vidéos justement qui ont été faites particulièrement pour l'appel. Le projet se déroule sur 20 jours. Il y a un duo dans le à date dans les artistes qui ont été nommés là, mais sinon c'est 20 vidéos, donc 20 21 artistes qui participent. Ils ont commencé à publier le premier vidéo le 25 janvier, puis c'est un vidéo par jour de semaine. Donc le samedi dimanche n'est pas inclus, mais sur leur page Facebook, Instagram et Twitter, à tous les jours du lundi au vendredi, ils publient une vidéo. Les vidéos sont très courtes. Je pense que j'ai pas vu l'appel, mais à voir la longueur des vidéos à date, je pense que c'était pour que ce soit moins de 2 minutes 30. Ou 2 minutes 30 et moins, disons, ou moins de Quelque 3 chose minutes. d'assez facile à visionner justement quand en bon français, quand on scrolle sur nos réseaux Oui, c'est sociaux pour ça. qu'on puisse l'écouter rapidement puis passer à autre chose après. Exactement. Donc, ça a vraiment, je pense, été créé dans cette optique-là. Puis là, c'est sûr que c'est un centre d'artistes qui publie, donc si jamais on va pas sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, à la fin, quand que les 20 vidéos vont être publiées, ils vont mettre la banque de vidéos sur leur médiathèque. Donc, il va être disponible pour consultation sur leur site. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, là. C'est vraiment plus sur les plateformes sociales, mais après, ça va être disponible sur leur site. Fait que c'est ça. À date, on a à peu près 7 vidéos qui ont été publiées depuis le 25 janvier. Puis, on a vraiment comme des artistes qui viennent de partout, là. C'est pas nécessairement juste de Québec ou de Montréal, là. C'est vraiment comme un appel qui a été lancé à travers le Québec. On a comme une bonne brochette d'artistes. Donc, c'est quand même des artistes québécois. On n'a pas d'artistes internationaux, par exemple. Non, c'est vraiment plus des artistes du Québec, là, oui. Puis, les sujets, c'est vraiment très varié, je dirais, là. Il y en a qui ont abordé, par exemple, la nature. Il y en a qui ont abordé la question d'un petit peu de la contemplation en période de pandémie. Je sais pas moi, on se promène dans la rue, puis les rues sont vides, là. Qu'est-ce qu'on observe quand on n'a La rien à faire? Oui, déambulation. exactement, l'errance. Il y en a qui ont abordé les sujets justement de la ville, un peu la vision de la ville fantôme. Il y en a que c'est vraiment assez varié là, à date dans les vidéos qui ont été publiées. Il y en a que c'est des vidéos d'animation, il y en a que c'est des stop motion, il y en a que c'est des vidéos comme un vidéo avec montage comme on les connaît un peu Donc, plus comme plusieurs styles, de manière cinématographique. plusieurs styles cinématographiques différents, plusieurs médiums différents aussi. Oui, vraiment. Puis, chaque médium aussi est propre à la démarche artistique de l'artiste à la base. Mm-hmm. C'est ça. Est-ce que tu as eu un coup de cœur dans les vidéos? Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y en a qui sortent un petit peu du lot, ben, en tout cas, à mon humble avis, là, mon opinion propre et personnelle. Ben, c'est pour ça qu'on t'invite à l'émission. On veut connaître ton humble avis. Qu'est-ce que c'est ton coup de cœur? J'avoue que mon coup de cœur est... je vais expliquer un petit peu pourquoi. C'est un œuvre de Maxime Corbeil-Perron qui s'appelle Origami. Et c'est drôle parce que j'ai pas du tout compris c'était quoi le sujet de sa vidéo, mais pas du tout. Mais c'était hypnotisant, c'était vraiment un petit peu, quasiment psychédélique. Je sais pas ce que je regardais en fait. Je sais pas comment il a fait ça. Mais je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est vraiment captivant. Les effets visuels sont vraiment intéressants et la bande sonore faite à la perfection avec justement les images qu'on voit. Mais tout ce qui était dit au sujet de cette vidéo, c'est des fractales et une géométrie lumineuse sont ici liquéfiés par le rayon cathodique d'un téléviseur préparé. Alors voilà, je vous laisse aller voir la vidéo par vous-même, peut-être être aussi hypnotisé que moi. Oui, ben des fois, sans pouvoir comprendre nécessairement, c'est toujours agréable de voir justement des explorations plus techniques, plus artistiques. C'est quelque chose qu'on a tendance à voir plus dans les arts visuels, disons, traditionnels, comme la peinture, la sculpture, mais en vidéo, c'est toujours intéressant de voir aussi ces expérimentations-là. Ça donne quelque chose d'assez particulier, comme tu le décris, là. Tout à fait, oui. Fait qu'en tout cas, je suis très curieuse de savoir comment cette vidéo a été faite. Mais en même temps, je pense que je ne veux pas non plus le savoir à 100%. C'est comme le mystère. C'est ça, ça fait partie du charme. Oui, c'est ça. En tout cas, ça me donne le goût d'aller voir le reste de son travail. Alors, oui. C'est bien, bien plaisant. Bien, tant mieux. Donc, c'est un projet, comme tu dis, qui permet de faire des belles découvertes. Donc, restez à l'affût sur les médias sociaux de la bande vidéo. On va partager quelque chose, nous aussi, sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Donc, merci beaucoup, Cassandra Graham, pour cette chronique. Nous, on se laisse avec une pause audio, avec la piste For the Twin. Et au retour, c'est déjà la fin de l'émission avec l'agenda de la semaine. Nous sommes de retour à l'aérospatiale, Gentiane Lafrance et Myriam Leland avec vous et nous terminons notre émission avec le traditionnel agenda de la semaine. Donc en ce moment, on en entendait parler plus tôt avec notre chroniqueuse Cassandra Graham, c'est Sujet à risque qui est diffusé sur les réseaux sociaux par la bande vidéo. Donc on va avoir le 4 février Sylvie Cloutier, le 5 février Sylvia Matas, le 8 février, Ronan Bonnette et Charles Harel, donc deux restaurateurs de Québec, qui se sont lancés dans l'aventure. Le 9 février, Guillaume Vallée. Le 10 février, Julie Lequin. Le 11 février, Stéphanie E. Gregan. Et notre chère Georgia Volpé, une habituée de l'émission, qui va diffuser sa vidéo le 12 février. Exactement. Puis le 4 février, de 10h30 à 13h30, on a le séminaire Engagement des corps dans l'espace muséal qui est offert par le groupe de recherche sur l'éducation et les musées. Et puis, Gentiane, on avait hâte, on l'attendait depuis l'année dernière, on voulait que quelque chose se passe. Le mois multi commence enfin cette semaine. Oui, le mois multi s'en vient. Et puis, il y a l'événement Marche dans mes sons. Donc, enfilez vos bottes, votre tuque, une bonne paire d'écouteurs et armé du fichier sonore que le festival va vous fournir, vous pouvez partir à l'aventure en plein cœur du centre-ville avec cette œuvre d'exploration sonore et à faire en famille aussi, donc en groupe, entre amis aussi pour pouvoir bonifier l'expérience. Donc, c'est présenté jusqu'au 14 février. On a aussi l'événement Touche-moi encore, entre parenthèses, par la fenêtre, qui aura lieu en ligne, bien sûr, le 4 et 5 février, donc jeudi, vendredi. C'est une performance en ligne qui est captée en direct. Donc, c'est une œuvre multidisciplinaire où se rencontrent danse, vidéo et bricolage mécanique. Ce projet est né de la mise en commun des univers de Josiane Bernier, qui est une artiste en danse contemporaine, et de Philippe Lessard, Drolet, qui est artiste multidisciplinaire. On est très, très hâte de voir ça. Mm-hmm. Et il y a également une performance en ligne qui s'intitule « Le Narcisse » qui va être présentée le 4 février à 20h30. « Narcisse » vous présente une performance multidisciplinaire avec son spectacle « L'Odyssée ». C'est présenté en collaboration avec le théâtre « Qu'il t'a peur ». Oui, puis il y a également, fidèle à son habitude, le Mois Multi essaie de rejoindre tous les publics. Donc, il y a le laboratoire en ligne qui est capté en direct du 5 au 7 février qui s'intitule « Autour du rose en fer des animaux » et c'est dès 8 ans. De toute façon, tous ces événements-là, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du Mois Multi dans la section « Événements ». Donc, tous les détails sont sur le site web du Mois Multi, bien sûr. Et vendredi, à partir de 21h, c'est le traditionnel Faire la bombe, donc la soirée festive du Mois Multi, donc cette année encore de la musique électronique, mais cette fois, ça va être en direct de la chapelle du séminaire dans le Vieux-Québec. Élément mythique des dernières éditions du fameux Mois Multi, c'est un moment où on s'éclate avec des boîtes à rythme, des synthétiseurs et des boucles enivrantes. La mise en bouche de l'événement se fera avec la musique dub, techno, minimal de Sapin. Ensuite, ça va être le duo Flabbergast, composé de Vincent Lemieux et Guillaume Coutu-Dumont, qui vont présenter des nouvelles productions aux saveurs house hypnotique avec sa musique techno-minimale et texturée du chant gauche. C'est Saint-Michel qui va ensuite donner sa touche finale à l'ensemble de la soirée Faire la bombe du Mois Multi, vendredi le 5 février. Puis dans la même lignée d'événements de musique électronique, le samedi, donc le lendemain, dès 16h, il y a l'événement Iceberg. C'est encore de la musique électronique qui est captée et diffusée en direct et ce sera jusqu'à 21h pour une soirée festive. Et du 8 au 10 février, il y a un colloque, c'est le colloque du RASE, R-A-S-E, donc le volet multi professionnel, multiprofessionnel, pardon. Donc, le colloque RAS est un colloque étudiant organisé par les membres du regroupement des arts de la scène et de l'écran, association des étudiants de cycle supérieur du programme littérature, arts de la scène et de l'écran de l'Université Laval. Donc, il va y avoir des communications et des démonstrations de cette édition qui vont graviter autour du thème résilience, adaptation et innovation, réinventer les pratiques artistiques de recherche. Donc, une belle occasion de réfléchir ensemble. Oui. En ligne, évidemment. D'ailleurs, il y a une habituée de l'émission, Caroline Belzile-Normand, qui fait une présentation que j'ai très hâte d'écouter sur l'humour et le féminisme et l'humour dans la vidéo d'animation. C'est en plein qu'est-ce qu'elle fait, donc j'ai très hâte de l'entendre là-dessus et bien sûr plein d'autres représentations. Puis, finalement, mercredi le 10 février, de 14 à 14h45, il y a Épilogue, regard sur le commissariat collaboratif. Donc, c'est une conférence virtuelle et gratuite en direct sur Facebook, offerte par la Galerie d'art Desjardins de Drummondville. Et encore une fois, vous pouvez retrouver tous ces événements, ben, la plupart de ces événements, en tout cas, qu'on lit à notre page Facebook ou sur la page Facebook des organismes qui les diffusent. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec ou encore, comme je disais, de nous suivre sur notre page Facebook pour savoir ce qui se passe dans les arts visuels en ligne plutôt ces temps-ci. Puis, ben merci Gentiane de m'accompagner comme à chaque semaine. Merci à toi Myriam Leland. Puis on aimerait remercier notre invitée Marie-Claude Drolet ainsi que Cassandra Graham, notre chroniqueuse de la semaine. Un salut spécial à notre Joseph Boyce de la mise en onde, Jacques Vignac, qu'on a bien hâte de retrouver en studio un jour. Et on se laisse avec une dernière piste, Heart of All Dry Donuts. Et à la semaine prochaine!